B.G. Thomas sur RGM. Un peu plus de 8h35, on parle anniversaire. Ils sont nés un 7 août 1942, naissance de B.G. Thomas, chanteur américain. 1944, naissance de John Glover, acteur américain vu dans les Gremlins 2, la nouvelle génération, Batman et Robin. On le connaît surtout pour son rôle de Lionel Luthor dans la série Smallville, vu également dans plusieurs épisodes de Numbers dans le rôle de Simon Kraft, New York section criminelle, Heroes, The Good Wife ou encore Blacklist. 1952, naissance de Caroline Aron, actrice américaine, vue dans Édouard Romain d'Argent dans le rôle de Marge, Harry dans Tous ses états, 21 Jump Street, le film, ainsi que la suite, 22 Jump Street dans le rôle d'Annie Schmidt, et vue également dans Desperate Housewives. 1960, naissance de David Duchovny, acteur américain, vu dans Beethoven, Zoolander, bien évidemment la série X-Files dans le rôle de l'agent spécial Fox Mulder, ainsi que dans X-Files, le film, et vu aussi dans la série Californication dans le rôle de Hank Moody. 1962, naissance de Bruno Pelletier, chanteur québécois connu pour son rôle de Gringoire dans la comédie musicale Notre-Dame de Paris. 1971, naissance de Sydney Penney, actrice américaine vue dans plusieurs séries télé telles que Santa Barbara, La Force du Destin, Sunset Beach, Beverly Hills, Largo Winch dans le rôle de Joy Harden ou encore Amour, Gloire et Beauté dans le rôle de Samantha Kelly. 1975, naissance de Hans Matheson, acteur britannique vu dans le film Sherlock Holmes dans le rôle de Lord Covard, Le Choc des Titans dans le rôle d'Ixas ou encore la série Les Tudors dans le rôle de l'archevêque Thomas Cranmer. C'est également l'année de naissance de Charlize Theron, actrice sud-africaine naturalisée américaine vue dans L'Associé du Diable, Braquage à l'italienne, Monster dans le rôle d'Hélène Wuornos, récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice, vue également dans Hancock, Prométhéus, Blanche-Neige et le Chasseur, ainsi que Le Chasseur et la Reine des Glaces dans le rôle de la reine Ravenna, vue également dans Mad Max Fury Road dans le rôle de l'impératrice Furiosa, Fast and Furious 8 dans le rôle de la méchante Cypher. En 2019, c'était il y a quelques mois, vue dans Séduis-moi si tu peux dans le rôle de Charlotte Field. Je dis quelques mois, peut-être même juste quelques semaines. 1978, naissance d'Alexandre Aja, réalisateur, acteur, producteur français, vu dans Le Grand Pardon 1 et 2, L'Union Sacrée, réalisateur et scénariste du film Haute Tension et réalisateur et producteur du film Horns. 1979, naissance d'Eric Johnson, acteur canadien, vu au cinéma dans 50 nuances plus sombres et 50 nuances plus claires, les deuxième et troisième volets de la saga 50 nuances de Grey dans le rôle de Jack Hyde, vu dans la série Smallville dans le rôle de Whitney Foreman, ainsi que Esprit Criminel, Ghost Whisperer ou encore Supernatural. 1985, naissance de Loïc Perrin, footballeur français, professionnel depuis 2003, qui joue depuis cette époque pour le club de Saint-Étienne. 1987, naissance de Sidney Crosby, joueur de hockey sur glace canadien, qui évolue en NHL depuis 2005 pour les Penguins de Pittsburgh, club avec lequel il a remporté 3 Coupes Stanley en 2009, 2016 et 2017. 1988, naissance d'Adrien Moerman, basketteur français professionnel depuis 2005, ayant joué à Roanne, Nanterre, Orléans, Nancy, Bilboa, Limoges, Bandirma Banvit, Darus Safaka Dogus, Barcelone, et depuis 2018, il joue pour le club d'Anadolu FS Sport Kulubu. Allez, on marque tout de suite une nouvelle pause musicale avec Bruno Pelletier, la comédie musicale Notre-Dame de Paris, Le Temps des cathédrales. C'est une histoire qui a pour lieu Paris la belle en l'an de Dieu 1482. Histoire d'amour et de désir. Tous les artistes anonymes de la sculpture ou de la rime tenteront de vous la transcrire pour les siècles à venir. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la pierre. Après pierre, jour après jour, de siècle en siècle avec amour, il a vu s'élever les tours qu'il avait bâties de ses mains. Les poètes et les troubadours ont chanté des chansons d'amour qui promettaient tout genre humain de meilleurs lendemains. Il est venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les venu le temps des cathédrales. Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, écrire son histoire dans le verre ou dans la bière. Il est foutu le temps des Le temps des cathédrales, interprété par Bruno Pelletier sur le 107FM, un peu plus de 8h42. Ils nous ont quittés, hein, 7 août en 1834, est décédé Joseph-Marie Jacquard, inventeur français à qui l'on doit le métier à tisser mécanique programmable, dit métier Jacquard. En 1957, est décédé Oliver Hardy, acteur américain du célèbre duo comique Laurel et Hardy. En 1984, est décédé Esther Phillips, chanteuse américaine. En 2010, est décédé Bruno Kremer, acteur français vu dans la fabuleuse aventure de Marco Polo, Paris brûle-t-il dans le rôle du colonel Roll Tanguy, L'Union sacrée ou encore la série télé Maigret entre 1991 et 2005 dans le rôle du commissaire Jules Maigret. Allez, nous sommes mercredi, qui dit mercredi dit sortie cinéma. On commence tout de suite avec Fast and Furious Hobbs and Shaw, film d'action de David Leitch avec Dwayne Johnson, Jason Statham ou encore dans le rôle du méchant Idris Elba. Autre film, c'est quoi cette mamie, comédie de Gabriel Julien Laferrière. Et d'ailleurs, il y a le premier volet qui est passé hier soir à la télé, hein. C'est quoi cette famille? Eh bien là, on retrouve les mêmes acteurs avec entre autres, hein, Thierry Neuvik, Julie Gayet ou encore Chantal Latsou. Autre film, Playmobil, le film, un film d'animation de Lino Di Salvo avec les voix françaises entre autres, hein, de Franck Dubosc, Cadmerade, Jérôme Commandeur ou encore Jennifer. Autre film, Une grande fille, drame de Conte Emir Balagov avec Victoria Miroshnichenko, Vasilisa Pereligina et Timofey Glaskov. Et enfin, dernier film, Never Grow Old, un western d'Ivan Kavanagh avec Emile Hirsch, John Cusack ou encore Déborah François. Allez, tout de suite, nouvelle pause avec Esther Phillips et le titre Release Me. Let me love. love again. Don't you just let me go. Pour Esther Phillips avec le titre Release Me sur RGM. Il est un petit peu plus de 8h47 et il est temps pour nous de faire un petit point météo. La météo. Alors, comme je vous le disais en parlant du dicton du jour, on aura de la pluie aujourd'hui avec des nuages. Des températures comprises entre 18 et 19 degrés ce matin, entre 20 et 21 degrés prévues pour cet après-midi. Jeudi, ce sera le retour du soleil avec quelques nuages. Des températures comprises entre 15 et 16 degrés le matin, entre 25 et 26 degrés prévues pour demain après-midi. Alors, vendredi, sur Remiremont, on devrait plutôt avoir de la pluie. Et sur le secteur d'Épinal, ce serait plutôt des éclaircies, avec tout de même un ciel un peu couvert, mais a priori pas de pluie. Bon, on en parlera bien évidemment d'ici là, ça peut changer. Des températures encore en hausse, entre 17 et 18 degrés prévus pour vendredi matin, et entre 28 et 30 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on fait tout de suite un petit point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Et on va commencer avec le tennis et la Rogers Cup à Montréal pour les messieurs. Et côté français, Gilles Simon s'est incliné en 2-7 hier face à Albot, 6-4, 6-2. Aujourd'hui, Richard Gasquet affrontera Nishikori. Gaël Monfils sera opposé à Ivashka. Manarino, lui, affrontera Coric. Il y aura également Nadal face à Evans. Tim opposé à Shapovalov. Fonini à Paul. Et il y aura également les matchs de Medvedev, Tsitsipas ou encore Wawrinka. Un mot de basket. Deuxième match de préparation au Mondial pour l'équipe de France ce soir contre la Tunisie. Un mot de football, transfert Laurent Colsieni à Bordeaux après 9 saisons passées à Arsenal. Il rejoint de nouveau le championnat français. Un mot de hockey sur glace maintenant avec une nouvelle arrivée pour l'Épinal Hockey Club. C'est le retour à Épinal de Maxime Martin qui la saison dernière a joué à Tours en D1. Et il revient au bercail. Voilà pour l'actualité sportive. Et oui, en ce moment, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Du coup, on va tout de suite passer à une dernière pause musicale. Tube de l'été et avec le temps qui fait aujourd'hui, ça va nous faire du bien. On va apprendre un petit peu le portugais avec Michel Tello. Le titre « I say to Pego » et ça date de 2011. Nossa,